Comment peux-tu être si légère? Et il y a trop de gens. Dans ta vie, je mets pied à terre. Ta pluie est un bivouac éprouvant. Ne fais plus les amants.